نعم اون عظيم فيه صوت، بارك الله فيك مسلم، فيه صوت، فيه صوت مسلم. Est-ce qu'il y a... Vous m'entendez, Mousslem? Ou là, je me suis déconnecté. Je vais voir si je me suis déconnecté. Ou là, il y a le son. Est-ce que vous m'entendez? Fais saute, Mousslem. Parce que je vois rien sur l'affiche Hadis. Comme salam, wa barakatou. Bon, quelqu'un d'autre à sa place, Indy, s'il y a du son. Voilà. Ça, c'est comme tu as dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, salam ala Ashraf al-Mursalin. Comme tu as dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, de nos jours, ça ne suffit pas de dire je suis musulman. Ça ne suffit pas de dire je suis musulman, mais encore faut-il savoir de quel genre des musulmans tu es. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa nation allait se diviser en 73 sectes, et qu'une seule secte ira au paradis, toutes les autres sectes iront en enfer. Subhanallah al-Azim, quand on dit iront en enfer, ça ne veut pas dire que elles vont rester éternellement. Mais d'après les innovations et d'après les péchés qu'ils ont fait. Je veux dire, donc le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit, une seule secte ira au paradis. Donc là, on se trouve obligé de faire tous nos efforts pour connaître quelle est cette secte. Et dans le conto à Roul, le maqal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم بين من هذه الفرقة وما هي أوصافها، فكان إذن لزاما على كل مسلم أن يحرص على أن يعرف من هذه الفرقة، ما هي أوصافها، حتى يحاول أن يتقيد بهذه الأوصاف حتى يكون منها وحتى يفوز غدا يوم القيامة. إذن هذا يصبح واجبا على المسلم، لا سيما في هذا الزمان الذي ماذا؟ لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفرق وكثرت فيه البدع، ويعني أصبحت الأمور يختلط بعضها ببعض. Donc comme je disais, il est maintenant très important de chercher le groupe qui va inshallah ta'ala, qui va le jour du jugement dernier aller directement au paradis, et qui ne va pas aller en enfer comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lui a demandé c'est qui ce groupe, il a dit man kana ala mithl ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, celui qui est sur le même chemin dont je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Dans un autre hadith, il a dit al-jama'a, et dans un autre hadith, il a dit sawad al-a'lam. Et c'est pour ça que Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam le bien, et moi, je lui demandais le mal, pour connaître le mal. Pourquoi? Parce que quand on connaît le mal, on peut l'éviter. Quand on ne connaît pas le mal, on fait le mal et on ne sait pas que c'est un mal. Voilà. Mais quand on sait que ça, c'est un mal, que ça, Allah Azza wa Jalla ne l'aime pas, et que ça attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'en éloigne. Mais quand on ne sait pas ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans le mal et sans qu'on le sache. لهذا قلت كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. كنت أسأله عن الشر. لماذا؟ pourquoi il voulait savoir le mal pour ne pas tomber dans le mal. Quand on connaît le mal, on l'évite. ولهذا إذن يجب علينا اليوم أن نعرف هذا الشر هذا حتى نتوقاه، حتى نتوقاه. المسلم اليوم لا يكتفي أن يقول أنا مسلم، إنما يقول ذلك في مقابل الكفر ومع الكفار. إذا قال كافر أنا كافر يقول أنا مسلم، لكن إذا قال الآخر أنا تبليغي وأنا إخواني وأنا أشعري وأنا كذا، أنت تقول وأنا سلفي، أنا مسلم سلفي. لماذا؟ حتى تميز نفسك عن الآخرين، حتى تميز. إذا قال أنا كافر فقط تقول أنا مسلم، لكن إذا قال أنا إخواني وأنا تبليغي وأنا الطرقي وأنا كذا، تقول أنا سلفي، أنا سلفي. ولا يكفي أن تقول أنا ماذا؟ أن تقول أنا مسلم. Donc je disais que certains ont dit, quand est-ce qu'on dit par exemple je suis musulman, quand est-ce qu'on dit je suis salafi. Walaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Walaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On dit je suis musulman quand quelqu'un dit par exemple moi je suis bouddhiste, je suis kafir, je suis chrétien, je suis juif. Tu dis moi je suis musulman, ça suffit, ça suffit. Mais si quelqu'un dit je suis un frère musulman, l'autre il dit je suis de la secte Tabligh, l'autre il dit je suis de par exemple Ash'ari, l'autre il dit je suis Mu'tazili, toi tu dis moi je suis Salafi. Je suis Salafi, ça veut dire je suis la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de qui la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et j'ai montré hier combien c'était grave de vouloir comprendre le Coran et la Sunna sans revenir aux compagnons et sans revenir aux grands savants. J'ai montré et j'ai donné des exemples comment moi je peux vous venir maintenant avec des versets et des hadiths sahih, mais qui dont je vais falsifier le quoi, le sens, et je vais dire voilà ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'a dit sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'est pas vrai. Pourquoi? C'est pour ça que on dit salafi, c'est quelqu'un qui non seulement est musulman, mais encore il comprend l'islam d'après quoi? Il comprend l'islam d'après la compréhension des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, d'après la compréhension des compagnons radiyallahu ta'ala anhum et de ceux qui ont suivi les compagnons comme les grands ulama, comme les grands savants et les grands ulama. Muslim normal. Je ne vais pas oublier de faire une petite remarque même à toi musulman. Je vais te faire une petite remarque, j'espère que tu vas l'accepter parce que ce n'est pas grave inchallah. Tu es en train de m'entendre, écris moi numéro 1, je te fais une petite remarque parce que c'est dans le DAF. Si tu es en train de m'écouter, écris moi numéro 1. Je vais te dire quelque chose qu'il y a dans le DAF, même c'est toi-même qui l'a dit. Tu m'entends, musulman normal, tu m'entends? Oui, tu m'entends. Chauf, toi tu as dit, il y a 10 minutes, tu as dit que certains gens disent qu'on est seulement musulman, etc. Tu as dit que, yani, bien sûr, que ça, ce n'est pas vrai. C'est ce que tu as voulu, toi, dire, ce que j'ai compris, et c'est ce que j'ai expliqué maintenant, qu'on dit musulman par rapport à un kafir, mais on dit musulman, je suis salafi par exemple, par rapport à les sectes qui ont dévié de la route. C'est pour ça que même moi je te donne un petit conseil, toi quand tu as ton pseudo musulman normal, alors quand tu dis normal, c'est un peu, ça rentre un peu dans le daf, parce que ou bien tu dis musulman c'est tout, ou bien tu dis alors musulman salafi. Alors quand tu dis normal, les gens vont dire alors musulman normal ça suffit, hein, comme yani, ça suffit d'être musulman, c'est tout. C'est pas la peine d'être salafi, etc. Alors nous on dit non, ça ne suffit pas. Il y a des musulmans, des milliers et des millions, et le prophète alayhi sallam a dit que tout cela, ils vont aller où? Tout cela, ils vont aller en enfer. Il parle pas des kuffars, hein, des musulmans, et ils vont aller en enfer. C'est pour ça que ça ne suffit pas d'être seulement musulman, mais encore faut-il être le vrai musulman, être sur le minhaj sahih, être sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Ne pas être un musulman soufi ou un musulman معتزلي، ان مسلمان شيعي، ان مسلمان كرامي، ان مسلمان مرجي، ان مسلمان tout ça c'est des musulmans يعني mais qui sont loin loin du vrai islam. C'est pour ça que maintenant tout le monde dit moi je suis un musulman normal, musulman normal. D'accord, musulman normal, mais on lui dit qu'est-ce que tu veux dire par normal? Qu'est-ce que tu veux dire par normal? Normal, c'est-à-dire ça me suffit de dire la ilaha Muhammad Rasulullah. On dit non, ça suffit pas, Allah, ça suffit pas de dire. Tu dis la ilaha Muhammad Rasulullah et voilà que tu es dans une secte, tu es dans une secte qui insulte les sahaba, qui insulte les compagnons du prophète, et ensuite tu dis la ilaha Muhammad Rasulullah. Ici la ilaha Muhammad Rasulullah ne t'a pas servi grand chose, ne t'a pas servi grand chose. Et tu dis la ilaha Muhammad Rasulullah et tu vas comprendre l'islam comme ne l'a pas compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Si tu veux être un vrai musulman, tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme a dit Allah azza wa jalla dans le Coran, wa in tuti'uhu tahtadu, wa in tuti'uhu tahtadu. Il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'on peut le suivre. Et ce n'est pas nous on connaît l'islam seulement la salat et le ramadan et le hajj et la zakat. Ensuite on est très loin du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on dit on est musulman. Wallahu ta'ala alam, yani, il reste beaucoup à dire mais pour donner yani, l'occasion des questions aux autres, tu donnes au suivant inshallah ta'ala. Naam, jazakallahu khairan, muslim. Si c'est possible, donne au suivant qui pose la question, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum. Cher Barakallahu Fik pour le rappel, mais je vais changer de pseudo, Inch'Allah. J'ai pas. C'est bien de me l'avoir redit. Pour les questions, bah, personne n'a levé la main. Alors, si tu pouvais nous lire des hadiths et nous lire les commentaires, Inch'Allah, ça serait profitable. Barakallahu Fik. Abdelrahman 25, pose ta question, Inch'Allah. Prends le micro parce que le cher il a pas ses lunettes. Je vais lire sa question. Salamu alaikum. Quelles sont les caractéristiques de la Hizbiya et à quoi prône-t-elle? Salamu alaikum. Quelles sont les caractéristiques de la Hizbiya et à quoi prône-t-elle? Ibn Taymiyyah, si tu as entendu la question. Naam. Avant cela, si tu permets, je lis quelque chose ici, mais j'ai pas compris. Abu Abd al-Hakim, il dit « Ma huwa al-hukm min rajulin yuridu an qatala al-muslimu aghar ». Ça, j'ai pas compris. Hein. Peut-être « Ma huwa al-hukm » يعني un musulman tue un musulman. Mais je sais pas ce qu'il veut dire. « Aghar ». ان قتل المسلم اخر ممكن اخر ما هو حكم ان مسلمون كي tue un autre peut-être si c'est celle-là la question يعني il me dit oui c'est celle-là يعني quel est le حكم d'un musulman qui tue un autre si c'est ça la question il me dit c'est celle-là le temps que je réponds inchallah à ta question la hizbiya Ali c'est une il n'y a pas de sang musulman normal tu as dit zéro il n'y a pas de sang ou là c'est pas ça la question est-ce que quand tu as dit zéro ça, tu veux dire qu'il n'y a pas de sang ou là tu veux dire que je n'ai pas yani, compris la question de Abu Abdel Hakim s'il y a du sang je réponds à la question de Hizbiya. Muslim, tu m'entends? Naam, Ibn Taymiya, il y a du son, hein. S'il y a du son, simplement quand on écrit, t'as du mal à recevoir la réponse, parce que ta connexion elle est ralentie. Mais t'inquiète pas, ici il n'y a pas de son, je prends le micro et je te le dis. Barakallahu fi. Jazakallahu khair, comme ça c'est mieux. Exactement, c'est comme tu as dit. Wallah. Là, par exemple, là, il n'y a pas de son, là. Voilà, pour le moment, on n'entend pas ce que tu dis. Non, non, il n'y a pas de point rouge, hein. J'ai enlevé le point rouge. Je t'ai enlevé le point rouge. Abou Abdel Hakim, tu veux prendre le micro? J'ai enlevé le point rouge. Non, je t'ai enlevé le point rouge, mais ton ordinateur, il est tellement lent, enfin ta connexion, elle est lente, alors tu es en retard. Tu reçois en retard. D'accord, salam alaikum wa rahmatullah. D'accord, comme tu as dit, la connexion est très lente. C'est pour ça que maintenant seulement j'ai pu prendre le micro. C'était impossible de le prendre auparavant. Parce que je voyais un point rouge devant moi. Alors que, bien sûr, il n'existait pas. Je disais que la Hizbiya, elle prend aux gens de rentrer tous sous le hizb. Le hizb, c'est yani sous le parti. Et on va faire la bay'a, hein, on va faire la bay'a à yani au responsable de ce parti, au point où lorsqu'il dit quelque chose, on doit le suivre. Lorsqu'il dit quelque chose, on doit le suivre. Et que le responsable du parti, s'il dit quelque chose, par exemple, s'il dit quelque chose qui va à l'encontre du hadith ou bien du verset, l'essentiel, on lâche le verset et le hadith et on suit ce que dit le responsable du hizb. Ensuite, la hizbiya, elle est interdite. Pourquoi? Faire un parti, c'est interdit. Pourquoi aussi? Parce que quand on est dans un parti, on n'aime que les adhérents de ce parti. Ça veut dire que les autres partis, même si ce sont des hommes pieux, des hommes qui font la prière de la nuit, qui jeûnent le jeudi et le lundi, on ne doit pas les aimer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des adhérents dans notre parti. Ils sont dans un parti ennemi, dans un parti qui nous fait de tenafus. Donc c'est un parti qui nous fait de la concurrence. Donc ce sont des ennemis pour nous. Et d'ailleurs certains partis islamiques, bien sûr, certains parti islamique, ne te marie pas avec une sœur si tu n'es pas de leur parti. S'ils ont une sœur et toi tu n'es pas de leur parti, ils te marient pas. Pire encore, quand tu as besoin d'argent par exemple, ils te donnent pas. Pourquoi? Parce que tu es de l'autre parti. Tu peux mourir de faim ou la tomber malade, ils te donnent pas de l'argent. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas partie de leur parti. Yani, voilà ce que ça veut dire tahazzub. Voilà ce qu'ils prennent, le tahazzub, et voilà pourquoi il est interdit le tahazzub. Et voilà pourquoi les ulama disent c'est interdit le tahazzub. Il n'y a qu'un seul hizb, le hizb d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le deuxième hizb c'est le hizb du diable. On a le hizb d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a le hizb du diable. Il n'y a pas les hizb en islam, il n'y a pas les hizb. Il y a le hizb du gouverneur. Le gouverneur, quand il est musulman, tous les musulmans doivent être avec le gouverneur. Tous les musulmans doivent être avec le gouverneur, même s'il est injuste. Pourvu qu'il soit musulman, il n'est pas un kafir. Même s'il est injuste et il fait la prière, ou là, il laisse faire les gens faire la prière, comme a dit le prophète alayhi sallam, la ma sallaw, la ma aqamu salat, yani ne les tue pas. Tant qu'il fasse la prière, ou bien qu'il laisse les gens faire la prière, le vrai musulman doit suivre le parti du gouverneur et non pas les partis comme aujourd'hui, les partis des frères musulmans, les partis de la Nahda, les partis de la FLN, les partis de je ne sais pas quoi. Tous les partis ado, ils sont nuls en islam. Ensuite, autre chose plus importante que cela, c'est quoi? C'est que tous les partis prennent à l'encontre du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, tous les prophètes qu'il a envoyés, sans exception, commençaient à prôner par la aqida. An la ilaha illallah. An la ilaha illallah fa'buduh. Alors que ceux-là, ils commencent par la politique. Et les parlements, et les manifestations, et comment devenir président et comment devenir parlementaire. Alors que la aqida pour eux la aqida, ça n'a pas d'importance. Et si ça a de l'importance, ça sera en dernier lieu. Pire, ils vont te dire que la aqida disperse. Comme disait leur imam Hassan al-Banna, il disait ne parlons pas beaucoup d'aqida, ça disperse la aqida. Parlons de politique, etc. Donc, ce qui nous intéresse dans le parti, c'est d'avoir le nombre. Soyons nombreux. Soyons nombreux, des millions. Soyons 500 millions, etc. Ensuite, c'est ça le but. Ensuite, on peut renverser le gouverneur. Alors, on peut le renverser quand on est nombreux. Et, bien sûr, ils ne sont jamais arrivés et ils n'arriveront jamais. Ils ne sont jamais arrivés et ils n'arriveront jamais. Regardez l'Égypte, l'Algérie, la Libye, la Syrie, l'Arabie Saoudite. Où ils vont, ils ne vont pas arriver. Et ils n'arriveront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas le chemin hadi al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on met la aqida en dernière place, alors qu'elle doit être en première place, la aqida c'est quoi? La aqida ça a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala directement. Tu apprends les attributs d'Allah, tu apprends ses noms, tu apprends ses faits, tu apprends l'af'al. Donc toi tu négliges, si tu négliges la aqida, c'est que tu négliges Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas, yani, ma qadarullah haqqa qadrih. Tu n'as pas donné l'importance qu'il faut. Et l'essentiel, et la plus noble science, et la plus élevée, la plus azima, c'est l'aqida. Parce qu'elle a rapport direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu vas dire non. L'aqida, ça m'intéresse pas. Ça va nous séparer. Restons comme ça, yani, soyons nombreux. Même si on est mu'tazili, jahmiya, murji'a, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'on a tous un but, c'est de renverser le gouverneur et de prendre les rênes du pouvoir. Alors à cela on va dire vous vous êtes beaucoup trompé et vous n'arriverez jamais. Et si on suppose que vous allez arriver, si on suppose dès que vous prendrez les rênes du pouvoir, vous commencerez par vous entretuer. comme ils ont fait à Afghanistan et la clique. Vous commencerez par vous entretuer vous-même, ensuite vous allez tuer les autres qui vont vous dire attention, vous êtes dans le chemin faux, vous n'avez pas d'aqida, etc. Tout cela, vous allez les emprisonner si vous n'allez pas les tuer. Donc voilà à peu près ce que ça veut dire la Hizbiya, et voilà pourquoi les ulama ont dit Hizbiya hadi, c'est haram, c'est illicite. Il n'y a qu'un seul hizb, le hizb d'Allah subhanahu wa ta'ala et le hizb du diable. Il n'y a pas les hizbes comme ça. Parce que s'il y a les petits hizbes comme ça, les hizbes, moi je vais rentrer dans un parti et mon frère qui va rentrer dans le deuxième parti, alors c'est mon frère du même père et de la même mère, je dois le détester. Pourquoi ? Parce que c'est mon concurrent. Et lui, mon frère, il fait la prière, il fait 100 rak'at par jour. Et il ne dort pas la nuit avec la prière, et il fait le jeûne tous les lundis, les jeudis, les etc., etc. Et je dois le détester. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans mon hizb, il n'est pas dans mon parti, c'est mon ennemi, c'est mon concurrent. Alors que Allah Azza wa Jal n'aime pas le furqa, n'aime pas la dispersion. Et quand on n'aime pas quelqu'un que Allah Azza wa Jal aime, ça veut dire qu'on est faux et que Allah Azza wa Jal est en colère de nous. On doit aimer quelqu'un que Allah Azza wa Jal aime. On doit aimer un pieu. Innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Alors que le hizb te dit non, ton frère c'est seulement celui qui est dans ton parti. Seulement celui qui est dans ton parti, c'est ton frère. Quiconque n'est pas dans ton parti, il a fait un autre parti, tu dois le prendre comme le plus grand ennemi à toi. Voilà ce que ça veut dire le hizbiyya. Voilà pourquoi les ulama ont dit la hizbiyya est interdite. Tfadl muslim, tfadl barakallahu fik. Muslim, si tu es là, si tu es là, enlève les points rouges aux frères et sœurs pour qu'ils puissent poser leurs questions. Tfadl, barakallahu fik. Abu Abdul Hakim, تفضل, tu as quelque chose, Abu Abdul Hakim. Abu Abdul Hakim, tu peux poser ta question ou au Moubilal. Vous pouvez poser vos questions, inshallah ta'ala. أخت أم بلال دي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما خيرات. Je vous demande la part d'une sœur, Inch'Allah, dont le père fait partie de la secte des Mourides. Et vous, et vous, un culte à leur cheikh. Reste-t-il son wali, et dans le cas contraire, qui est désigné comme wali, sachant que ses frères ne font pas salat, qu'Allah nous guide et les guide. Premièrement, la sœur n'a pas dit qu'est-ce qu'elle entend par wali. Est-ce que c'est quelqu'un qui la défend, etc., ou là c'est quelqu'un qui pour la faire marier. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire exactement mourid? Qu'est-ce que ça veut dire exactement mourid en français? Qu'est-ce que ça veut dire mourid? Et troisièmement, celui-là qui est sûrement en faute, est-ce qu'on lui a déjà montré la vérité et il n'a pas voulu suivre? Est-ce qu'on lui a montré la vérité et il n'a pas voulu suivre? Non. Muslim normal, qu'est-ce que ça veut dire mourid? Qu'est-ce qu'elle entend par mourid? Qu'est-ce qu'elle entend par mourid? Non, j'attends la réponse. Non, si tu veux répondre par le micro, prends. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Fi saut. Al fi saut. Taïb. Hindi sual, ya sheikhana. Fahiya. Ma huwa al hukm min rajulin يريد أن قتل المسلمون Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Excuse-moi une seconde, c'est écrit ici, la sœur dit que ne vivons pas avec lui, elle ne sait pas trop, mais qu'il ne connaît pas trop l'islam, Allahu alam. Oui, quand c'est quelqu'un de jahl, c'est quelqu'un de jahl qui connaît rien de l'islam, celui-là, yani lam taqum alayhi al-hujja, lam taqum alayhi al-hujja, li'annahu jahl wa yadhun annahu ala haqq. ولم يبين له الحق لم يبين له الحق فهذا لابد أولا أن يبين له الحق وأن ينصح فلعله يرجع إلى غير ذلك لكن لم أفهم أيضا فيما يخص الولي ماذا تقصد هل هو وليها يعني يستطيع أن يزوجها أم لا أم ماذا تقصد بهذا المهم الواحد لما يكون على مثل هذا الطريق الخطأ لابد أن ينصح وأن يبين له الحق لعله يرجع لأن كم من إنسان يظن أنه على الحق وهو ليس على الحق لكن لا يعني لم تقم عليه الحجة لكن لما نبين له ويبقى مصرا على ذلك فهذا يختلف حكمه إن شاء الله تعالى. En ce qui concerne ce que tu as dit musulman normal, j'ai pas bien compris la question parce qu'elle est écrite ici. ما هو الحكم من رجل يريد أن يقتل مسلم؟ Quel est le حكم d'un homme de quelqu'un qui veut tuer un autre? Quel est le hukm de quelqu'un qui veut tuer un autre? Si c'est ça la question, je lui demande si c'est le Mouldir du Sénégal entre autres. Soufi, le Mourid, naam. Non. Si c'est quelqu'un, si c'est quelqu'un musulman qui veut tuer un autre, bien sûr, s'il tue quelqu'un, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis de tuer quelqu'un. Ce n'est pas permis de tuer quelqu'un. Et si on tue un musulman, et on le tue un sans raison, c'est encore très grave. On me dit من المتعمد فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل عذابا عظيما. Mais la question est très vaste. Je ne peux pas te répondre parce que je n'ai pas bien compris. J'ai dit que quand quelqu'un est comme ça dans une secte et que c'est un égaré, on essaie d'abord de lui apprendre, de lui montrer qu'il est en faux. Et de lui montrer qu'il est faux, qu'il est en erreur, etc. Peut-être que Allah Azza wa Jalla va le guider et qu'il va revenir. Peut-être que Allah Azza wa Jalla va le guider et qu'il va revenir, parce que lui, il ne sait pas qu'il est faux. Et il croit que, yani, il est dans le vrai chemin. Il croit qu'il est dans le vrai chemin et que ce qu'il fait lui est plus juste que les autres. C'est pour ça qu'on doit voir d'abord, yani, on doit d'abord nous qimu alayhi al-hujja. Ensuite, s'il se maintient, il dit non, je suis cela, je veux pas, je veux pas, comment qu'on dit, je reste dans ce dont je suis, hein, celui-là. Ensuite, on voit ce qu'il fait. Est-ce que c'est quelque chose, une bida qui le rend pervers seulement, fasiq, ou bien c'est une bida qui le rend kafir? Ça, c'est seuls les ulama qui savent cela. Et c'est ceux qui disent celui-là est devenu seulement pervers, ou bien celui-là c'est un kafir. Ce sont les ulama qui disent cela, et c'est à eux que revient cela, parce que cela, c'est très dangereux quand on ne connaît pas bien la religion et qu'on voit quelqu'un se tromper ou là en erreur, on dit directement celui-là c'est un kafir. Celui-là c'est un kafir. On ne doit pas faire cela parce que ça a besoin de beaucoup de conditions avant de dire que celui-là c'est un kafir. Ça a besoin de beaucoup de conditions. Autre chose, inshallah ta'ala, autre chose, je vais lire d'abord ce qu'il y a écrit sur l'akhor. Akhi muslim normal, je crois que ce que tu avais dit à propos du hadith al-faqr, je crois que tu as raison. Je viens de voir maintenant l'Albani, je trouve qu'il a dit va'if. Je viens de voir maintenant l'Albani, il a dit que c'est un hadith va'if, le hadith de prépare-toi à la pauvreté. Je crois que tu as raison. Donc on marche avec cela, on marche que c'est un hadith va'if, sauf si je viens moi avec un délil que c'est un hadith sahih. Donc on marche avec que je viens de voir maintenant sur l'Albani, jusqu'à ce que, inshallah ta'ala, j'apporte autre chose. Oui, tuteur pour le mariage. Tuteur pour le mariage. En principe, le wali de la femme doit être quelqu'un qui est adl. Adl, ça veut dire qui ne fait pas de bid'ah, qui ne fait pas d'innovation, qui ne fait pas, etc. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit que si maintenant on va marcher avec cela, ça veut dire on doit chercher qu'il est adl, etc. Il a dit c'est très difficile. Il est très difficile et beaucoup de femmes ne vont pas se marier. Et beaucoup de femmes ne vont pas se marier parce qu'on est en vie dans une époque, dans une ère où il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de bid'ah, beaucoup de péchés, beaucoup de on est beaucoup loin de la religion. Alors si on allait marcher avec cette condition, Cheikh Ibn Uthaymin a dit beaucoup de femmes ne vont pas se marier à cause de quoi? À cause de leur peur qu'ils fassent des bidats, etc. Donc celui-là, on essaie inshallah ta'ala de lui montrer la religion, etc. Et on marche avec le quoi? Comme quoi qu'il est musulman, il est toujours musulman tant que il ne fait pas des bidats. C'est pour ça que je t'avais dit que il faudrait savoir quel genre de bidats il fait. S'il fait des bidats comme qu'il y a par exemple au Sénégal, par exemple ils ont une maison bait yatoufouna hawla, et ils tournent autour de lui comme on tourne autour de la Mecque et on dit que ça c'est la Mecque, etc. Celui-là c'est une bid'a de kuffar, bien sûr. Celui-là il n'est plus wali. À partir du moment où il fait cela, ça veut dire que il est parti dans un autre oued. Saïd. C'est pour ça que j'ai dit il faut d'abord être sûr qu'est-ce qu'il fait le père Hada, quel genre d'innovation, quel genre de bida il fait. Oui, le shirk ça se divise en deux choses, deux grandes choses. Il y a le shirk grand et le shirk petit. S'il fait le shirk, le petit shirk, tous en fait du petit shirk. Si maintenant il fait le grand shirk, il faut quoi? Il faut qu'il sache qu'il est en train de le faire. Ça veut dire il faut qu'il y ait des ulama, etc., qui lui parlent et qui lui montrent. Ils lui disent, écoute, ça c'est du shirk, etc., attention, si tu meurs, tu vas rentrer en enfer éternellement, etc. Parce que même si toi tu lui dis, peut-être il va pas, il va dire non, qui sait, ma fille elle va m'apprendre. Ma fille maintenant elle va m'apprendre. De toute façon en islam, il n'y a pas une fille ou une femme qui reste sans mariage. Quand elle sait que son père ne peut pas, elle va à qui? Ça descend du père au frère, ensuite le frère, ensuite le fils si elle a un fils, ensuite les frères. Donc ça commence par le père, ensuite ça descend au fils, ensuite ça va à qui? Ça va au frère si elle a des frères. Maintenant si elle a des frères qui ne font pas la prière, si elle marche avec la fatwa qui dit que celui qui ne fait pas la prière mais qui reconnaît qu'il y a la prière, c'est un musulman. Si elle marche avec celle-là, c'est un musulman. Si elle marche avec la deuxième, que celui qui ne fait pas la prière est un kafir, dans ce cas-là, elle va chercher celui qui va la faire marier. C'est qui? C'est l'imam et les autres dans une mosquée. Ceux-là, ils peuvent être son wali, comme disent les ulama. أخي محمد المصباح تفضل. أخي ما اسمه هذا أخي محمد المصباح je crois c'est toi qui parlais. J'entendais pas très bien, le son était faible, mais si tu avais levé un peu la voix et continué, ça ne fait rien. Tu as dit qu'il y a deux hadiths contradictoires dans Boulour al-Maram, mais tu t'es arrêté, je ne sais pas pourquoi. En ce qui concerne qui dit Barakallahu fik, c'est quoi la hijra? La hijra, c'est que quand quelqu'un devient musulman, et il vit dans un pays des qui ne sont pas musulmans, il doit sortir de ce pays. Il doit sortir de ce pays dès que l'occasion se présente pour ne pas vivre avec en plein milieu des non-musulmans, pour qu'ils puissent car avec eux c'est difficile. Ils ne voient que les péchés, ensuite il y a ce qu'on appelle dard, on lui fait des pressions, etc. Alors ça sera difficile pour lui de faire la religion, de faire le din comme Allah Azza wa Jalla le veut. C'est pour ça que il doit sortir et faire la hijra et aller vers un pays musulman pour faire son din comme Allah Azza wa Jalla le veut. Il s'appelle les Muqalidun. Je ne sais pas, mais je sens que c'est une secte égarée. Elle est au Sénégal, c'est plein de sectes égarées comme dans tous les autres pays, comme Khili Chadel aussi, il est du Sénégal et il sait mieux que nous. Il dit que c'est une secte qui fait les bida, et c'est une secte qui est égarée. Mais avant de dire que quelqu'un est kafir, etc., on doit d'abord savoir lui avoir fait le hujja, c'est-à-dire lui avoir appris qu'il est dans l'erreur, etc. Il va en pèlerinage là-bas, il dit que Serige Touba le protège, taïeb, j'ai compris. Non, il va là-bas, il dit Serige Touba, etc. Bien sûr, celui-là, il est dans les grands bidas du shirk, etc. Mais comme j'ai dit, il doit d'abord savoir qu'il est en erreur, car il ne sait pas. On doit d'abord lui apprendre qu'il est en erreur, voilà ce qu'on dit les ulama, etc. C'est pas sa fille qui lui dit ça, parce qu'il va lui dire ma petite fille va jouer, toi tu vas m'apprendre la religion. Mais elle lui rapporte des preuves des grands ulama, voilà ce qu'ils ont dit. Quand il dit non, celle-là elle va chercher un autre wali, inshallah ta'ala, comme j'ai dit, et elle lui apprend afin qu'il soit pas énervé. Elle lui dit voilà, moi il y a X qui va être mon wali, etc., parce que toi je t'ai rapporté la preuve des grands ulama, etc., et tu dis non. Et alors eux tous ils disent tu n'es pas musulman. تفضل ابو عبد الحكيم او لا رياض تفضل باسكو يل ريست 5 مينوت ان شاء الله اون فا ساريتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل في الصوت؟ في الصوت موضع؟ طيب عندي سؤال للشيخ انا سمعت الاخوان السلفيين يقولون على السماء القدسي يجوز علينا أن نخوض الهلم على هذه كلمات صحيحة يا شيخ. طيب Abu Bilal, pardon, Abu Abdel Hakim, j'ai pas bien compris ce que tu as dit. J'ai pas bien compris. Il y avait de l'écho quand tu parlais. J'ai pas bien compris ce que tu as dit. Si tu peux recommencer, barakallahu fik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samihtu l'ikhwan salafiyin. أن يقولون على الأسماء القدسي يجوز أن نخوض الهمه للأسماء القدسي. pardon, Wasmak Abu Abd al-Hakim, si tu peux écrire, c'est mieux. J'ai pas bien compris. J'ai compris. Est-ce que il y a certains frères salafiyins qui disent de Oussama al-Qusi? Est-ce que je ne sais pas quoi? À la fin, c'est pas bien compris. Oussama al-Qusi, qu'est-ce qu'il a? J'ai pas bien compris. Si tu peux écrire, c'est mieux. Si tu peux écrire, c'est mieux. Parce que le son se coupe. Le son se coupe. Quant à Ariki Kik, Barakallahu fik, c'est quoi la hijra? Ça fait seulement 2 minutes que je viens de te répondre. Et j'ai dit que la hijra, c'était l'ordre de sortir d'un pays. Quand on vit dans un pays de kuffar, on doit quitter le pays de kuffar et aller vers un pays musulman. Le fait de quitter le pays, d'aller vers un pays musulman, ça s'appelle la hijra. Ça s'appelle la hijra. On dit X a fait la hijra, ça veut dire il est sorti du pays des kuffar, il est parti vers un pays musulman. Voilà ce que ça veut dire la hijra. Umbil a écrit quelque chose, mais c'est difficile à lire parce que l'écriture est petite et ensuite la couleur, c'est difficile. J'ai un exemple de shirk. Oui, c'est quoi l'exemple de shirk? Si tu peux, Abu Abd al-Hakim, tu m'écris, hein? Afdal. Vous pouvez me donner des preuves sur la hijra? Bien sûr, les preuves sur la hijra, ça demande un dars. Les preuves sur la hijra, ça demande un dars. Il y a beaucoup d'ahadith sahiha, beaucoup d'ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disent que quiconque yani meurt dans un pays où il est en plein milieu des kuffars et il n'a pas fait la hijra, il pouvait la faire. Celui-là, il dit, je m'en désengage le jour du jugement dernier. Je m'en désengage, ça veut dire anabari'un mimman yaqum bayna dhahrani al-kuffar. Je me désengage de quiconque vit au milieu de ces kuffars, alors que il peut aller vivre dans un pays musulman. Il y a beaucoup de hadiths, il y a même un verset qui dit astaghfirullah wa atubu ilayh. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Donc il y a même un verset qui dit que les anges, quand ils vont faire mourir certaines personnes qui faisaient des péchés, ظالمي أنفسهم, يعني ils étaient en erreur, etc. قالوا فيما كنتم, les anges ont dit qu'est-ce que vous faisiez? Ils ont dit la ghalib, yani c'est plus fort que nous, on était yani on avait des pressions, etc., parce qu'on vit avec les kuffars. Alors les anges ont dit la terre de Allah Azza wa Jalla n'est-elle pas vaste? لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. La terre de Allah Azza wa Jalla n'est-elle pas vaste pour que vous fassiez la hijra et vous alliez dans un autre pays? Ensuite il a dit ceux-là, quand ils mourront, adabuhum ma'uhum jahannam, etc. Donc il y a beaucoup de hadiths et même des versets dans ce sens. Ça a besoin d'un dars, inshallah ta'ala. Je reviens à ce qu'on disait. On disait que Abu Abd al-Hakim, j'ai entendu que nous pouvions reprendre la science de Hussein al-Qusi. Est-ce vrai? Barakallahu fikum. En ce qui concerne ta question, je n'ai pas la réponse, Barakallahu fik. Abu Abd al-Hakim, je ne sais pas. Je sais que Oussama al-Qusi, on a parlé sur lui, on a dit qu'il avait dévié, etc. Maintenant, s'ils ont dit vous pouvez prendre, je ne sais pas. Si Inch'Allah ta'ala j'ai quelque chose, si j'apprends quelque chose de nouveau, Inch'Allah, je te le dirai. Car comme tu dois savoir que moi je suis quelqu'un qui est beaucoup intéressé par demander la science, etc. Enfin, moi, j'aime beaucoup lire les livres de Cheikh l'Islam, etc. Enfin, j'aime, bien sûr, je suis obligé de savoir les gens desquels on doit prendre et desquels on doit pas prendre. Mais comme tu dois savoir, je suis très modéré. Ça veut dire que je ne passe pas comme font certains gens. Ils vont passer leur matin de Salat al-Fajr à Salat al-Isha en train de chercher les gens. Je ne parle pas de toi, bien sûr. Toi, tu as raison, tu veux savoir si on prend ou on prend pas, pour que tu sois sûr. Mais je parle de certains gens qui passent leur journée du matin à Salat al-Isha en train de chercher les gens. Et alors, et ensuite, ils ne vont prendre de personne, bien sûr. Et ça, il y en a beaucoup en Algérie, bien sûr, et partout dans le monde. Et ils vont rien apprendre, ni aqida, ni fiqh, ni sirah, ni mirat, ni... Ils vont rien apprendre dans leur religion. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, ils passaient leur temps seulement à faire cela. Moi, Inch'Allah Ta'ala, s'il y a du nouveau en ce qui concerne Oussama Al-Khoussi, je te le dirai, Inch'Allah Ta'ala. En ce qui concerne Abu Mariam Di, Abu Huraira envoie le lien pour enlever les pubs. Naam, pour enlever les pubs, je ne sais pas quoi, c'est écrit en très petit. Akhi Muslim, je crois que tu connais, il y a un lien qui tu dois le donner aux Ikhwa ou aux Akhawat, afin que le Parcoqala, ça leur enlève tous les pubs. Ça enlève tous les pubs, surtout tout ce qui est sale. Tout ce qui est sale, ça leur enlève, Inch'Allah Ta'ala, et ça bloque. Comme je vois ici dans mon Parcoqala, Alhamdulillah, ici c'est bloqué. C'est écrit blocked by Ad Munshar. Yani, il n'y a aucune photo qui peut passer sous le paletot, alhamdoulilah. Donc Muslim, si tu peux leur enlever, leur envoyer, Inch'Allah Ta'ala, l'akhor, si tu l'as pas, tu me dis, je te le donne, Inch'Allah, je vais le chercher, je te le donne. C'est quelqu'un qui s'appelle Abu Salama qui nous l'a donné. Maintenant, je ne sais pas où il est, notre frère Abu Salama, on n'entend plus parler de lui. Inch'Allah, il koun bikhair, Inch'Allah Ta'ala. Pardon, j'ai dit Abu Salama, moi je parlais du frère Abu Soumeya. Je parlais du frère Abu Soumeya. Tfadval, Muslim, dans la suite, Inch'Allah Ta'ala, et tu leur donnes le site Ada, sinon je vais te le chercher, Inch'Allah Ta'ala. Moi, j'ai une connexion très lente. J'ai une connexion très lente. J'ai une connexion très lente et je ne sais pas si vous êtes en train de m'écouter. De toute façon, il est ici 2h du matin et 2h dépassées. Moi, je m'excuse si je dois sortir. Je m'excuse si je dois sortir parce qu'il faut que je sorte. Là, on se rencontrera, Inch'Allah, demain sur le Dars de l'Aqidah. On rencontrera demain, Inch'Allah, dans ma salle à 21h30, 22h. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.